啤酒音。Pizza me perd toi, le pépère. T'es là, Titi? Ça peut être ça. Comme toi. Non, non, mais vas-y, vas-y, moi je m'abuse, hein, je te suis. C'est bien comme ça. On a fait la Goldman. Ça me permet de jouer de l'harmonica. Pépère. Ah, pépé. On va faire Goldman. On va faire Goldman. D'accord. Alors, c'était le même nombre de mesures. Ouais, c'est vrai. Comme toi. Annonce la tonalité. Sans batterie. Envole-moi. Après. Ça fait après, envole-moi. Alors, la mineure. Ouais, la mineure. La mineure. Ré mineur. Je la fais après. Envole-moi, je le fais après. D'abord, un petit peu de tendresse. Enfin, tendresse, de tristesse. Le métro, parce que sinon on va tous se retrouver décalés, on va partir dans tous les sens. Déjà, ça part direct, tout le monde. C'est une chanson de charpentier, ça, comme le toit, comme le toit. Allez, je mets une batterie.

minuit se lève. Pour te dire en haut des tours. Non, c'est agréable. Toi, c'est Thérèse. Je l'ai chanté avec tout mon cœur. J'ai fait le maxi. Bon, j'ai perdu la batterie, je peux voler. Il y a des fenêtres ouvertes partout sur mon Windows. Ah, voilà. C'est vacances, là. Envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. voulez faire le refrain ? Que tu veux ? Ah, il y a un batteur là, attends, j'arrête ma batterie là. Si on fait le refrain, il n'y a pas assez de musique. Envole-moi, ré mineur, loin de cette fatalité, fa, sol, la mineur, fa, ré mineur, fa, sol, ré, la mineur, et mi. Ça va pas le faire en 16, Titi, il y a vachement plus de fou. Il y a tant de mesures. Je sais pas compter. Mais non, en 16, ça passe pas. Regardez. Adonf ! Là, je la refais. Mais n'y est point dans le coin. De mesure. Il n'y a pas assez de 32 déjà. Bon, allez, encore. Allez, vas-y, je t'accompagne à moto. J'étais un peu vite. Moi, je te la refais. Ça dépend si c'est ce déviant. Tu veux que je les écrive, non ? ZZ. C'est pour dire que ZZ, ça rentre pas dans les cases. Bon, j'essaie. Envole-moi, envole-moi, envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Et merde. cette fatalité qui colle à ma peau. Vole-moi. Merde. Bon, ça va être ça. Je vais prendre ma guitare électrique aussi, hein. Let's go! Ah. Allez, guitare! Mr. Z! Est-ce que le bassiste, c'est bon? J'ai raté le départ, c'est pas grave. Envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, emplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi, bravo. Envole-moi, envole-moi. Cette fatalité qui colle à ma peau. Vole-moi, vole-moi. Dans d'autres mots. Vole-moi. Allez, Georgia, viens chanter avec moi. Tu seras bien, tu vois. Il y a plein de mecs qui sont prêts à jouer avec toi. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'avec Georgia, on commence à chanter. Et chacun comme tour. Oui, on voit le mal, Jean-Jacques Alain. Écoutez, à chaque tour. Non. À chaque tour, il y en a un qui se fait plaisir, ou même deux tours. Deux tours chacun. On fait ça? On fait une batterie ou non? Hey Georgia. Ça vaut peut-être mieux, c'est. Ouh là là. Merde, j'ai appuyé sur un bouton. Georgia. Allez, chacun votre tour, hein. Chacun votre tour. Vous pouvez jouer. Mais si vous jouez tous ensemble, retour. Ne vous battez pas. Mais j'ai pas de basse, moi. C'est pas moi qui joue la basse. Allez, on y va. C'est que le refrain. La mineur, fa, ré mineur, fa, sol, fa, ré mineur, fa, sol, ré, la mineur, mi. Envole-moi, envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, ma tête est tout favorisée, je suis dans le troupeau. Thank you. Just a little. Ready? Georgia, bring your sound. Just you and me. Une version a cappella, juste un coup. Ouais, ouais. Ok? Après, on arrête. On passe à autre chose. envole-moi, envole-moi, envole-moi, de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, ma tête qui doit couvrir si tu dois trop beau. Allez à toi, Georgia. Georgia, à toi, viens chanter. Pas trop fait chier avec ma guitare acoustique en guise de basse. la fenêtre de mon train. C'était bien. Bon, on fait quoi? On va faire laquelle? And you give yourself away. J'ai toujours les mêmes chansons. T'sais. Mais Georgia, elle aime bien ça. Changer le BPI. Attends. On met un petit BPI là, non ? Le sud, c'était Nino Ferrer. Thank you. It's nice, Georgia. Merci. On peut essayer après, si tu veux. Je sais pas si ça arriverait, mais je peux essayer. C'est joli, cette chanson. On essaie YouTube avec Georgia, YouTube avec moi. On essaie en sol. Sol, Ré, Mi mineur, Do, Sol, etc. Quoi. Moi j'ai les premiers. Si le son, c'est in your eye. Si le ton, tu in your side. Oh, Collé dans la chure là.